Une personnalité, souvent il est obligé et il sera obligé là où il y aura initiation de l'action, à cause de la confrontation entre la vieille personnalité et la nouvelle, il sera obligé de demeurer silencieux sur la nature de la déformation ou de la destruction ou de l'abolition de la loi psychologique de l'humanité. Il sera seul dans son secret pour connaître le pouvoir d'impression de la nouvelle personnalité sur l'ancienne, pour que lui puisse vivre sur le plan matériel en conformation avec les lois de l'esprit. Tous les hommes de demain seront obligés de supporter dans leur vie mentale, dans leur vie intérieure, un secret quelconque. Que ce soit n'importe quoi, il y aura un secret. Ce secret étant le signe de la destruction de la vieille personnalité par la nouvelle. Ce secret étant la convention entre l'esprit et l'ego pour la destruction de la psychologie humaine. Ce secret étant le décret de la nouvelle race. Ce secret étant le décret de la nouvelle race, non pas sur le plan collectif ou sur le plan global, mais sur le plan individuel. Les hommes de demain auront tous un secret. Parce que le secret, c'est l'attention qui permet à l'esprit de dominer pour toujours la porte, le ressort de la porte qui cache ou qui bloque la mémoire. Le secret sera utilisé par l'esprit pour empêcher que la porte derrière laquelle se cache la mémoire ancienne puisse s'ouvrir. Et le secret sera suffisamment intelligent, suffisamment délicat, suffisamment particulier pour que l'ego n'ose jamais en parler. Parce que si l'ego en parlait, la porte s'ouvrirait et il y aurait effondrement dans la psychologie humaine de ceux envers lesquels le secret a été fait. C'est comme ça que l'esprit maintiendra prisonnier à jamais l'ego contre la mémoire de son expression antérieure. Pour que l'ego soit forcé de vivre totalement en dehors de la porte derrière laquelle se cache la mémoire et pour qu'il avance dans l'infinité vers l'expérience du pouvoir de l'esprit sur la matière de l'homme à travers le mental, l'émotionnel et le vital. C'est sans fin. L'homme qui entre dans sa nouvelle personnalité demain sera autre dans 5 ans, sera autre dans 10 ans, sera autre dans 20 ans et un jour il passera sur un autre plan. Le secret sera la condition vibratoire qui liera l'ancienne émotion à la nouvelle mentalité et liera la nouvelle mentalité à l'esprit. L'homme n'ayant plus besoin à ce moment-là de mentalité subjective parce qu'il ne pourra plus penser. Donc, il n'aura plus besoin de réfléchir sur l'émotion de son action et il n'aura plus besoin de rationaliser son action. Donc, il sera libre dans l'action. Donc, il sera sous le pouvoir de l'esprit, sous l'emprise de l'esprit. Dans l'esprit, il n'aura plus de personnalité subjective. Il ne sera plus planétaire. Il fera totalement ce qu'il doit faire et il ne pourra plus réfléchir en lui les conditions morales, existentielles, psychologiques de l'ancienne humanité. Il sera son propre maître à bord dans l'action. Et étant son propre maître à bord dans l'action, il devra vivre constamment, de plus en plus, avancé dans le grand désert de l'expression de la grande et réelle personnalité. Parce que l'ancienne personnalité ne vit pas dans un désert, elle vit dans un oasis. Elle se crée des illusions, elle se crée des forts. Mais la nouvelle personnalité avance dans le désert. Et ce désert, c'est l'infinité de l'esprit. Et ce désert est la manifestation, l'espace de l'esprit. Et à certains points dans le désert, il se crée des oasis, mais qui sont sous le contrôle de l'esprit et qui disparaissent ensuite pour que l'homme avance plus loin dans le désert et connaisse d'autres aspects du pouvoir de l'esprit dans cet espace qui est totalement sans mémoire, totalement sans subjectivité, totalement sans loi psychologique. L'intention de l'esprit, ce n'est pas l'intention de l'homme. L'intention de l'esprit, c'est l'intention de l'esprit qui devient le pouvoir de l'homme. Tandis que dans l'ancienne personnalité, l'intention de l'esprit était couverte sous la couverture de l'ego, à travers le corps de désir de l'homme. Mais le lien entre l'esprit et l'ego était tellement indéfinissable à cause de l'inconscience de l'ego que l'intention de l'esprit se reflétait mal dans l'expérience de l'homme, d'où l'inconscience. Mais lorsque l'homme est dans la conscience, lorsqu'il est dans l'intention de l'esprit, tout ce qui se manifeste sur le plan matériel à travers ses principes se fait selon les lois de cet esprit, autrement dit, selon des lois qui sont irréductibles, qui ne peuvent pas être intervenues ou contre lesquelles on peut intervenir à cause d'une émotion ou d'une sensibilité psychologique. de là encore l'initiation de l'âme. Alors quand je dis que dans tout homme il y a un potentiel créatif, il y a un potentiel de personnalité, il y a un potentiel dans la personnalité réelle, c'est un potentiel créatif. Parce que c'est directement l'expression de l'esprit. Alors dans tout homme il y a ce potentiel. Et c'est ce potentiel que les hommes cherchent. C'est ce potentiel qui fait que les hommes cherchent à se connaître. Et c'est ce potentiel qui est tellement puissant, qui est tellement réel, qui est tellement là, que les hommes qui en prennent conscience, au début, un petit peu imparfaitement, ont peur. Donc, tous les hommes ont peur dans leur petite personnalité, de leur grande personnalité. Et ils ont tellement peur de leur vraie personnalité qu'ils demeurent dans leur petite personnalité. C'est pourquoi ceux qui sont dans leur réelle personnalité ne peuvent pas trafiquer avec eux éventuellement dans le monde. Non pas parce qu'il n'y a pas d'affection pour eux, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire avec eux. Et si un homme dans sa personnalité réelle ne peut pas faire avec un autre homme, il doit le laisser de côté jusqu'à temps que demain il puisse faire avec lui. Demain, il viendra le rechercher. Mais un homme qui est dans sa personnalité réelle ne peut pas trafiquer avec des hommes qui ne sont pas dans leur personnalité, qui ne sentent pas un peu de leur personnalité. Ce serait simplement charrier, porter, transporter sur ses épaules des êtres qui sont déjà en dehors de leur réalité, qui sont en dehors de leur intelligence, qui se servent de toi comme béquille. Alors, un homme dans sa vraie personnalité ne peut pas faire ça. C'est pourquoi il y aura de la division entre les hommes qui se conscientisent ou qui vont vers la conscience au cours des siècles. Il y aura de la division parce que les hommes qui seront dans leur personnalité réelle sauront reconnaître ceux qui sont dans leur personnalité réelle. Et c'est avec eux que l'esprit devra être en convention collective. Parce que l'esprit dans la personnalité réelle d'un homme est en convention collective avec un autre automatiquement. Ils se comprennent instantanément, ils ont la même intelligence, ils ont la même vision, ils voient les mêmes choses. Avec des variantes, mais toujours dans la même direction. Ils peuvent aller ensemble, main dans la main, dans le désert de la créativité de l'esprit. Mais tant que l'homme n'est pas dans cette condition créative, tant qu'il n'est pas dans sa personnalité réelle, il doit s'acheminer vers elle, et en attendant, ceux qui sont dedans doivent attendre. Il ne s'agit pas pour un être qui se conscientise de devenir ce qu'on pourrait appeler un avatar de la créativité. Il s'agit pour un être qui se conscientise de se réaliser quelque part dans le temps au niveau de lui-même. Cette condition est suffisante pour que des hommes qui sont dans leur vraie personnalité puissent travailler, trafiquer avec eux. Mais il faut que cet être ait ceci, il faut qu'il ait cette conscience de lui-même, cette centricité, cette capacité de partir de lui-même et ne jamais partir des autres. L'homme ne doit jamais partir des autres. S'il part des autres, il part de la mémoire de l'humanité. Il influe sur sa propre mémoire. Il diminue son dynamisme potentiel qui est sa vraie personnalité au profit de quoi? D'idées qui sont totalement assujettissantes et d'émotions qui sont totalement nulles de pouvoir. L'humanité, la masse. On va faire un petit break. Ces paliers-là, on les découvre, on les réalise vibratoirement au cours de l'évolution. La première réalisation de la personnalité réelle chez l'homme se fait lorsqu'il commence à prendre conscience qu'il n'est pas comme les autres, qu'il n'est pas comme l'humanité. Quand l'homme commence à prendre conscience là, qu'il n'est pas comme l'humanité, qu'il ne fonctionne pas comme l'humanité, qu'il pense pas comme l'humanité, quand l'ego commence à prendre conscience de ça, ça fait partie de toucher du doigt la personnalité réelle. Il y a des gens qui sont inconscients et qui ont ça. Ils ne savent pas quoi faire avec souvent. Alors, automatiquement, ils sont mal à l'aise. Probablement qu'il y a plusieurs années, vous-même, vous étiez comme ça. Ou vous saviez que vous n'étiez pas dans le moule. puis vous étiez un petit peu dans le moule, fait que vous étiez pas à l'aise. Ça, ça fait partie d'une présence d'esprit dans l'homme. C'est pas mal. Les gens sensibles, les gens qui se conscientisent, les gens, même les gens spirituels dans le monde, ont un petit peu ça. Ils sont pas comme l'humanité. Ils sont pas dans le moule. Ils sont plus mondial que national. Ils sont pas nécessairement international, mais ils sont plus mondial que national. Mais ils savent pas souvent quoi faire avec. Ils ne peuvent pas se situer en fonction de ce sentiment-là qui est créé par leur esprit parce qu'ils sont pas conscients de l'esprit. Bon. Deuxièmement, le deuxième palier, c'est que l'homme qui avance dans cette conscientisation-là, dans le développement de cette intelligence interne-là, s'aperçoit à un certain moment que non seulement il n'est pas comme les hommes, ou il n'est pas comme l'humanité, qui fonctionne différemment de l'humanité, mais qu'il a des tendances particulières. Il a des tendances particulières qu'il n'a pas nécessairement cernées encore, mais qu'il a des tendances particulières. Des désirs particuliers, mais qui sont encore trop loin pour qu'il puisse réellement mettre son doigt dessus. C'est des vibrations qui sont au niveau de l'invisible, au niveau du plan mental, mais qui descendent, qui se filtrent lentement à travers le plan mental inférieur ou le plan astral, selon là où se situe le centre psychique. Il y a des gens qui sentent au niveau du plexus solaire, le centre, surtout les femmes, c'est au niveau ici qu'ils sentent certaines choses. Il y a d'autres, c'est au niveau du mental. Mais tant que la conscience supramentale n'est pas suffisamment avancée, on n'est pas capable, au niveau de nos personnalités, de réellement mettre le point sur cette sensibilité-là qui nous donne des tendances particulières, et on a tendance à refouler ces tendances-là. On a tendance à penser que soit que c'est de la foutaise, ou soit qu'on est... On n'est pas ajusté, on n'est pas équilibré, ou on n'est pas bien, on n'est pas... Puis on a tendance à aller dans notre passé, on a tendance à regarder chez les autres pour des conseils, pour redevenir comme eux autres, au lieu de continuer nous autres à devenir plus loin comme on est, mais comme on ne peut pas encore comprendre puis mettre le doigt dessus. Ça, c'est pénible, ça. Ça peut nous donner l'impression qu'on est déséquilibré psychologiquement. Ça peut nous donner l'impression qu'on n'est pas à la mesure de l'homme. Lorsqu'en fait, on est au-dessus de la mesure de l'homme, mais comme on n'en connaît pas la raison, les conditions, et ainsi de suite, on se crée une sorte de peine intérieure, une souffrance, un désarroi, et ainsi de suite. On philosophise, on cherche la philosophie, on cherche la psychologie pour trouver des réponses à ça. La troisième étape, c'est l'étape qui commence après une instruction, parce que la troisième étape n'est pas définissable par l'ego. Donc, la troisième étape n'étant pas définissable par l'ego, n'étant pas traçable par l'ego, son contour n'étant pas perceptible par l'ego, cette troisième étape-là nous rend conscients des deux autres avant et commence à corroborer les deux autres. Commence à nous faire réaliser qu'on n'est pas si cave que ça, ou qu'on n'est pas si déséquilibré que ça, qu'on n'est pas si drôle que ça, si à part que ça, qu'on est à part, mais dans un autre sens, pas dans le sens qu'on va être à part, mais dans le sens qu'on est à part parce que c'est les autres qui sont pas comme nous autres. On commence à réaliser que c'est pas nous autres qui travaillent, c'est le monde entier. Tant qu'un homme n'a pas réalisé que c'est le monde entier qui travaille, que lui n'est pas de travail, il n'a pas pris conscience de cette troisième étape-là. Parce que la troisième étape, elle est formulée au niveau de l'identité de l'homme, au niveau de l'individualité de l'homme, elle n'est pas formulée au niveau de la mémoire de l'homme. Donc, le matériel de la mémoire de l'homme ne peut pas entraver indéfiniment la troisième étape. Il va l'entraver pendant une certaine période de temps. Mais éventuellement, la mémoire est affaiblie. Puis là, c'est la conscience de la personnalité qui se réalise de plus en plus, créant dans la vie de l'homme une identité qui est la relation directe entre l'ego, qui développe un pouvoir de mentation, supérieur, télépathique, éventuellement avec un autre niveau de la conscience humaine qu'on appelle pour le moment esprit, autrement dit, le plan des intelligences dans l'éther, qui fonctionne avec des aspects de l'homme dans l'éther, mais dont l'ego n'a pas conscience parce que l'ego n'a pas encore les pouvoirs au niveau du troisième œil. Donc, la troisième étape, lorsqu'elle commence à être perçue et que l'homme commence à en franchir les limites internes, crée dans l'homme une sorte de sagesse, mais une sagesse qui n'est pas bonne encore, parce que cette sagesse-là, elle est encore trop liée de mémoire. C'est une sagesse qui est mélangée de spiritualité, qui est mélangée de philosophie, qui est mélangée de psychologie, qui est mélangée de bons sentiments, qui est mélangée d'une vertu vers l'homme qui peut être humanitarien, humanitariste, ainsi de suite. C'est une sagesse qui est temporaire, qui éventuellement est détruite lorsque le contact télépathique mental avec les plans, les plans d'intelligence est suffisamment avancé pour que l'homme réalise une chose, ce qui est que la nouvelle personnalité, la personnalité réelle, n'a pas de pouvoir par elle-même, à aucun niveau. Aucun. Elle est incapable, par elle-même, à aucun. Moi, je suis allé chez Mercedes-Benz après-midi, puis il y a des carreaux à terre, tu sais, des carreaux à terre. Des petits carreaux, le carrelage. Puis j'avais du fun, je parlais avec eux autres. Ah ouais. J'attendais après mon char. Tout d'un coup, je marchais comme ça. Puis quand ils veulent me relaxer, ils vont dire, par exemple, t'aimes ça la fusion, hein? Parce que c'est vrai que j'aime ça la fusion. Dans la fusion, on est bien. Puis ils vont dire, puis ça, c'est subtil. Ils vont employer des mots pour voir si l'ego vibre ou si l'émotionnel vibre. Ils vont dire, par exemple, t'aimes ça être contrôlé, hein? Ou ils vont dire, t'es bête. Le fait qu'on te contrôle, t'es bête. Puis je dis, ouais, du moins que vous me cassez pas trop les pieds. Puis là, il dit, regarde bien, il dit, tu vois le carré là-bas, là? Il dit, quand tu vas arriver au carré, là, il dit, tu pourras pas continuer le carré. Puis ça, ils font ça avec moi depuis des années de temps. C'est une relaxation. Fait que je m'en vais, puis le carré est là. Puis quand je suis arrivé au carré, là, hop, comme de fait, mon corps a arrêté, j'avais plus de pouvoir de continuer, t'sais, j'avais plus de volonté subjective pour... Là, ils ont dit, là, tu peux mettre ton pied sur l'autre carré. Là, j'ai avancé, ben, ouais, c'est fait. Puis, ils jouaient de même. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que la personnalité réelle n'a pas de pouvoir subjectif. L'ego, la fausse personnalité, elle a un pouvoir subjectif. Si toi, si vous autres, vous faisiez dire, ils m'ont rendu à ce carré-là, tu peux plus vendre, m'en rendu la merde, maman, c'est pareil. tu vas forcer, tu vas te donner un élan, tu vas forcer, toi, hein, tu vois, j'ai avancé pareil, t'sais. Ça, c'est l'ego. Mais quand l'homme rentre dans la personnalité réelle, l'ego est rendu tellement fractionné, la fusion est tellement que l'ego il est content d'être fusionné, l'ego est content d'être unifié à cette énergie-là. Il est bien là-dedans. C'est sa sécurité, il est bien. C'est sa conscience. Mais c'est très, très, très, très, très... la fusion, ça se fait petit à petit. Puis pour que l'homme passe d'une personnalité incomplète à une personnalité complète, c'est très long. Pourquoi? Parce que l'ego a beaucoup de mémoire. L'ego est bourré de mémoire. Il est rempli de mémoire. Et il est tellement rempli de mémoire que la moindre mémoire coupe l'énergie entre eux autres et lui. Fait que vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est long la fusion? Parce que la moindre mémoire coupe l'énergie entre eux autres et l'homme. La moindre. Fait que aussitôt que tu as de la mémoire, tu as de l'émotion dans ton intelligence, aussitôt que tu en as de la mémoire. Puis ça, fait un petit peu subliminalement, ça coupe le rayon qui unit eux autres à l'homme. C'est pour ça que la fusion, c'est si long. Alors, la personnalité réelle, si tu expliques la personnalité réelle à un psychologue, il va dire, ben, c'est de la domination, ça, c'est de la possession, c'est de la... On va trouver toutes sortes de réponses. Puis de son point de vue, il a raison. Parce que de la personnalité réelle, c'est de la possession. Seulement, c'est de la possession par l'esprit, par la lumière. C'est la lumière qui rentre, puis qui fusionne avec. La fusion, c'est de la possession. Moi, je suis possédé. J'aime ça le dire. C'est la fusion. Mais c'est de la possession créative, au lieu d'être la possession destructive. C'est les intelligences qui fusionnent avec l'homme des intelligences qui sont dans l'intelligence, au lieu que ce soit des intelligences qui sont d'évolution humaine astrale, comme on trouve dans la possession satanique. Enfin, c'est de la possession pareille, mais c'est comique. Quand je dis au monde, fais attention, je dis pas ça à Glenn trop tôt, mais quand je dis au monde, quand t'es conscient, t'es possédé par la mienne, t'es dedans, t'es fusionné avec. Le monde a vibre. Ils ne veulent pas être possédés. Ils veulent faire leur affaire tout seul. C'est là. Mais si vous regardez les saints, les sœurs, puis les curés, puis les moines, qui ont eu des grandes expériences mystiques au cours de la chrétienté, puis regardez leurs prières, parce qu'ils ont fait des prières, puis ils vont vous dire, ils veulent être possédés par le Christ, puis ils veulent être mariés au Christ, puis ils veulent être possédés par la Sainte Vierge, les prêtres veulent être possédés par la Sainte Vierge, puis les sœurs par le Christ. Ils veulent, tu sais. C'est leur grand désir d'être possédés, tu sais. Mais aussitôt que ça se fait, ça, tout le monde chie à la culotte. Les curés, les moines, les moineaux. Ils ont toute peur. Comment ça? Fait que dans l'extase mystique, dans la recherche de l'extase mystique, ils veulent être dans cette affaire-là, puis ils veulent être possédés par ça, puis enrapture, tu sais, le mot anglais, the rapture, puis enrapture, puis quand on leur explique ça dans une instruction à un autre niveau, là, ils ont peur. Là, ils veulent pas être possédés. Ils ont la chienne. Pourquoi? Parce que l'ego, ça, c'est normal. L'ego, il veut être libre. C'est normal. Mais pour que l'ego soit réellement libre, il faut qu'il soit possédé par le lien. Et sans ça, il est possédé sans s'en apercevoir par l'astral. Fait que si vous me demandiez qu'est-ce que c'est la différence entre l'ego qui est libre, dans le sens que je l'explique, puis l'ego qui est sous l'illusion de la liberté, c'est que l'ego inconscient, dans la fausse personnalité, il est possédé par l'astral sans s'en apercevoir. Avec suffisamment de liens, de libre arbitre pour avoir l'impression qu'il ne l'est pas. Tandis que l'ego qui fusionne, qui conscientise, devient de plus en plus possédé par la lumière. Il y a fusion. Puis là, il réalise qu'est-ce que c'est la liberté. Alors, c'est l'autre personnalité. Autrement dit, il y a une dichotomie intégrale entre la vieille personnalité qui est possédée inconsciemment à son insu par l'astral, puis la nouvelle personnalité qui est possédée consciemment par la lumière. Et le passage de l'un à l'autre, c'est l'initiation de l'âme. C'est ça, vous, votre calvaire. En arriver au terme avec, non pas la crainte, mais en arriver au terme avec l'intelligence. Une fois que l'homme en arrive au terme avec l'intelligence, avec son intelligence, il n'y a plus de crainte. C'est parce que l'homme n'est pas arrivé à terme avec son intelligence qu'il y a de la crainte. Alors, pour que l'homme en arrive au terme avec son intelligence dans la nouvelle évolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, un jour, va être obligé de vivre le conflit entre la vieille personnalité qui est astralisée et la nouvelle qui est mentale. La nouvelle personnalité, elle est mentale. L'ancienne, elle est astrale. Dans l'ancienne personnalité, il y a de l'astral, il n'y a pas un homme sans terre, même des maîtres qui n'ont pas d'astralité dans leur personnalité. La nouvelle personnalité de l'homme demain, du surhomme, de l'homme qui ne sera plus lié aux lois planétaires, sera une personnalité totalement mentale. Mais qu'est-ce que ça veut dire une personnalité mentale? Dans le sens que je le parle aujourd'hui, ça veut dire une personnalité qui n'est plus assujettissable. Mais là, vous allez dire, ben oui, elle est assujettie à eux autres. T'es pas assujetti à la vie. Eux autres, la vie, les forces de vie ont toujours été là. Quand le Nazaréen dit, tu sais, ça va loin, là. Quand le Nazaréen dit, ben oui, il n'y a pas un cheveu de ta tête qui tombe sans la permission du Pain Céleste. C'est comme ça qu'il appelle ça. C'est pas le Pain Célestin, mais le Pain Céleste. C'est de la possession. S'il n'y a pas un cheveu de ta tête qui tombe, toi, je pense qu'il y en a qui ont tombé sans sa permission. Mais quand il dit qu'il n'y a pas un cheveu de ta tête qui tombe sans la permission, ça veut dire quoi, ça? Que les forces de vie sont directement liées de haut en bas avec l'art. Mais l'homme, à cause de son ego, coupe, sépare ces forces de vie-là. Donc, il reste quoi pour l'homme? Il reste une personnalité sans puissance qui lui empêche d'être dans le mental pur, c'est-à-dire de vivre d'une intelligence astralisée, autrement dit d'une intelligence dans laquelle il a des émotions. Donc, qui lui empêche de connaître la possession par la lumière. Autrement dit, de connaître la fusion, parce que la fusion, c'est de la possession par la lumière. Autrement dit, d'être totalement harmonisé sur tous les plans avec ce rayon-là, qui a toujours été là, mais qui n'a jamais pu se manifester dans l'homme parfaitement à cause de son ancienne personnalité. C'est quand il rentre dans sa nouvelle personnalité, dans sa vraie personnalité, que l'émotion puis le mental subjectif a été ajusté, que cette énergie-là apparaît, qu'il y a fusion, qu'il y a possession par la mienne. Autrement dit, que ce qui est en haut est en bas. Autrement dit, que l'homme devient conscient de l'intelligence en lui, comme l'intelligence a besoin de l'homme pour l'évolution expérimentale future de la conscience cosmique sur la Terre. Mais l'homme, dans sa prise de conscience de ça, dans son expérience de ça, dans sa vie de tous les jours de ça, surtout quand le courant commence à se rendre, à devenir plus fort à cause de ce que l'homme sait par l'instruction, là, il y a peur. Puis automatiquement, sa vieille personnalité veut bloquer ce mouvement-là. Il n'en peut pas. L'homme ne pourra jamais bloquer indéfiniment la descente de l'énergie dans ses corps subtils. Peut-être dans une vie, il ne pourra pas absorber toute cette énergie-là, donc il mourra quelque part. Mais il aura appris suffisamment pour que sa nouvelle évolution soit beaucoup plus rapide. Mais une fois que commence la fusion sur une planète, une fois qu'un homme est amené à reconnaître essentiellement qu'il n'est pas un, mais qu'il est deux dans un, qu'il y a en lui de l'intelligence qui est située en dehors des plans évolutifs de la galaxie matérielle, qu'on appelle nous autres les êtres de lumière pour le temps présent, là, et qu'il est à la fois relié à ces intelligences-là en fonction de son esprit qui est quoi? Qui est la descente sur un plan inférieur au niveau du mental de leur rayonnement, parce que l'esprit de l'homme, c'est le produit du rayonnement de ces intelligences-là sur un plan mental. L'esprit de l'homme, il existe sur le plan mental, il existe, autrement dit, dans le monde mental. Mais pour qu'il existe dans le monde mental, il faut qu'il y ait naissance. Pour qu'il y ait naissance de l'esprit de l'homme, pour que l'esprit de l'homme existe, il faut que le rayon frappe à un certain niveau les échelles vibratoires des éthers, dont le mental supérieur en est un. C'est ça qui crée l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, il est créé avant le temps, mais dans le temps de la descente de l'énergie sur les plans inférieurs. Tandis que dans les cas des animaux, ça ne marche pas de même. L'animal n'a pas de plan mental suffisamment évolué pour que ces énergies-là descendent et créent ce qu'on appelle de l'esprit. Qu'est-ce que c'est de l'esprit dans l'homme? C'est de la réflexion. Mais quand l'homme est conscientisé, il n'y en a plus de réflexion en lui. Donc, qu'est-ce que c'est son esprit? Ça devient son intelligence. Mais l'homme n'est pas dans son intelligence tant que la réflexion n'a pas cessé dans son mental. Parce que tant qu'il y a de la réflexion dans son mental, il n'est pas dans son intelligence, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans son esprit, c'est-à-dire qu'il est dans la mémoire de ses émotions et de son intellect. On va vous dire. Ça, c'est sa vieille personnalité. Alors, si on me disait, moi aussi, un psychologue ou un psychiatre me disait, ouais, j'en ai un esprit, je dirais, non, t'en as pas d'esprit, t'as de la mémoire. T'as de la mémoire. Puis si je te donne une pilule, moi, m'a t'en faire perdre ta mémoire. Tu pourrais plus te rappeler de rien. Tandis que moi, si tu me donnes une pilule, ça change rien, parce que j'ai pas de mémoire. Drogue-moi, bon, peut-être m'écraser de même. Mais m'a continué à vous parler de la conscience cosmique pareil. C'est le corps qui va être affecté, mais pas l'esprit. Parce que je ne fonctionne pas au niveau de ma mémoire. Comprenez-vous ici? Tu fais ce que tu veux. Alors, je veux commencer à faire comprendre que l'ancienne personnalité de l'homme, elle est mémoire. Alors, quand vous perdez votre mémoire, vous paniquez parce que c'est l'ego qui panique. Un jour, vous ne paniquerez plus parce que vous n'aurez plus besoin de mémoire. Mais quand il y a encore de la réflexion, vous en avez encore besoin de mémoire, puis ça vous inquiète, vous avez des jobs, et ainsi de suite, petit peu. Mais avec le temps, ça s'ajuste, votre vie s'ajuste, puis un jour, vous n'aurez plus de mémoire, vous n'aurez plus besoin, mais vous aurez un de l'esprit. Autrement dit, vous aurez une personnalité réelle. qui sera géré par votre esprit, autrement dit, qui sera le produit de l'interaction sur le plan mental, sur un plan mental supérieur, du rayon de ces intelligences-là avec le plan mental qui existe, qui fait partie des éthers et qui crée à cause, au point d'intersection, une luminosité qu'on appelle l'esprit de l'homme. Ça va loin, ça. Alors, si l'esprit de l'homme est le produit de l'interaction d'une verticale qui est le rayon de ces intelligences-là, de leur énergie, sur un plan, sur un éther quelconque, ça veut dire que l'esprit de l'homme n'existe pas sans leur interaction. Autrement dit, enlève l'ajusteur de pensée de ta vie, c'est final, tu deviens un animal. Comprends-tu ce que je veux dire? Enlève un ajusteur de pensée, que l'ajusteur de pensée se retire de l'homme. Il n'y a plus de vie mentale dans l'homme. Il restera simplement de la vie inférieure. Les gens là, qui ont des gros accidents, ou les types mongols, là, les êtres humains qui sont végétatifs, si tu veux que l'ajusteur de pensée fasse, il n'y a plus de connexion. Sortir. Alors, un être humain qui n'a pas ce contact-là entre le rayonnement et le mental ne peut pas avoir d'esprit. Donc, automatiquement, il ne peut pas fonctionner en tant qu'être humain. Donc, automatiquement, il est obligé de fonctionner en fonction des êtres humains. Mais lui n'a pas possibilité dans cette vie-là d'avoir une personnalité réelle. Alors, si c'est comme ça que l'esprit de l'homme est composé par l'interaction entre ce rayonnement-là et le plan mental, ça veut dire que tous les hommes sur la Terre ont le pouvoir éventuellement de connaître ce qu'on appelle le choc de l'esprit. Le choc de l'esprit étant quoi? Étant la capacité à un être humain de recevoir ce rayonnement-là sur son plan mental. Et il y a des êtres humains dans le monde qui ont la capacité de vivre le choc de l'esprit à plus grande échelle que d'autres. Donc, automatiquement, ils ont plus d'esprit que d'autres. Comment tu veux dire? Mais c'est pas parce qu'ils ont plus d'esprit que d'autres qu'ils sont plus fins que d'autres. Ça, c'est une illusion de vieille personnalité. Autrement dit, ça va amener l'homme, ça, au 24e siècle, à découvrir dans la science de son temps quelque chose d'absolument extraordinaire. Au 24e siècle, l'homme va être tellement avancé dans la science de l'esprit qu'il va pouvoir commencer à contrôler la réaction chimique de son mental. Puis en contrôlant la réaction chimique de son mental, il va être capable de construire, avec un appareillage de ce temps-là, il va être capable de construire des dimensions d'intelligence qui vont servir à l'organisation extrêmement complexe des cerveaux électroniques dans ce temps-là. Et l'homme va se servir de l'énergie de son mental pour ces machines-là. Autrement dit, l'homme va pouvoir projeter dans ces machines-là son intelligence, mais pas son esprit. En projetant son intelligence dans ces machines-là, les machines vont devenir aussi intelligentes que lui, autrement dit, auront la capacité de raisonner. Pas raisonner dans le sens rationnel, mais de raisonner dans le sens de résonance avec son esprit. Donc, à ce moment-là, les cerveaux électroniques auront une mémoire éthérique et à ce moment-là, quand l'homme aura besoin d'informations sur le plan matériel, sur la planète, pour aller dans la galaxie ou voyager, les cerveaux électroniques lui donneront l'information sans qu'il y ait de programmation. Parce qu'il y aura eu une projection dans la matière de l'intelligence de l'homme, mais toujours sous le contrôle de l'esprit. Et ça va être fait en fonction du rayonnement qui va descendre sur le plan mental humain, mais en fonction du fait que l'homme, dans ce temps-là, n'aura plus de fausse personnalité. N'ayant plus de fausse personnalité, il pourra projeter son intelligence dans ces machines-là, et ces machines-là deviendront des répliques ou une continuité de l'activité cérébrale humaine, et l'homme pourra s'occuper de faire d'autres choses. Alors, on est à l'aube de la compréhension du phénomène de la personnalité. On est à l'aube de la compréhension du phénomène de la personnalité et le phénomène de la personnalité est tellement occulte que c'est seulement lorsque le rayonnement qui frappe le plan mental chez l'homme devient de plus en plus fort que l'homme découvre qu'il a multiples personnalités. Pas seulement une vraie, que l'homme peut en avoir une, deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt multiples de personnalités. Et éventuellement, lorsque le rayon est suffisamment fort et qu'il frappe le plan mental, il y a automatiquement un raccordement avec le corps éthérique de l'homme, et c'est à ce moment-là que l'homme peut rentrer dans l'éther. Et que l'homme peut connaître dans l'éther plusieurs êtres, plusieurs dimensions d'expérience qui conviennent à son esprit et qui font partie de l'activité de son esprit et de l'intelligence sur les plans invisibles, et que l'homme peut travailler sur ces plans-là en fonction de la Terre ou en fonction de ces plans-là. L'homme est multidimensionnel, mais dans sa fausse personnalité, il ne l'est pas. Parce que dans sa fausse personnalité, l'homme, il veut demeurer Jean-Paul. Puis il veut rester, il voudra jamais qu'on y enlève la Jean-Pauline. Il tient à Jean-Paul. Et tant que l'homme tient à Jean-Paul, il ne peut pas devenir Pierre Jean-Jacques. S'il ne peut pas devenir Pierre Jean-Jacques, autrement dit, s'il ne peut pas bénéficier de l'activité créative du rayon sur son plan mental, il ne pourra jamais connaître ses multidimensionnalités et personnalités. C'est pour ça que quand les gens vont voir des médiums ou des gens qui font de l'hypnose, puis que les gens les ramènent dans leur passé, puis ils disent, bon, mais dans le temps, t'es à droit Farouk, puis dans l'autre temps, t'es à telle chose. Ces mémoires-là sont des mémoires astrales de l'humanité. Il n'y a rien de réel là-dedans. Mais ça nourrit la fausse personnalité. Si l'homme était amené à connaître ses multidimensionnalités, ses personnalités réelles, il s'apercevrait d'une chose. Il s'apercevrait que dans les différents plans, dans ce qu'on peut appeler les différents mondes, ou dans ce qu'on peut appeler horizontalement les différentes galaxies, il y a des êtres en évolution qui travaillent, et ces êtres-là font partie de la même énergie. Autrement dit, ils font partie du même contact entre le rayon et le plan mental. Mais le rayon et le plan mental sur la Terre, et le rayon et le plan mental dans une autre planète, puis le rayon et le plan mental sur une autre planète, c'est deux énergies différentes. Mais c'est la même. De sorte que c'est impossible à un être humain d'être un seul être. Tout être humain doit être plusieurs êtres. C'est seulement sur la Terre, dans la matière, que l'être humain a l'impression d'être un être. Mais ça, c'est parce qu'il est embourbé dans sa vieille personnalité qui se refuse d'être multidimensionnel. Autrement dit, qui se refuse d'être amené à prendre conscience de son infinité. Autrement dit, de prendre conscience des outer limits de sa personnalité terrestre. Et l'homme, un jour, sera amené à prendre conscience de ses autres personnalités. Et quand l'homme prendra conscience de ses autres personnalités, il ne sera plus du tout un être humain. Du tout. Et quand je dis qu'il ne sera plus du tout un être humain, je veux dire qu'il n'y aura plus rien en lui qui soit humain. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien en lui qui soit psychologiquement humain. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus en lui de nécessité à aucun niveau d'arborer une mémoire humaine. Autrement dit, il aura une mémoire cosmique. Autrement dit, il sera cosmique. Autrement dit, il pourra être en communication parfaite avec n'importe quel être qui est cosmique, et il comprendra ces êtres parfaitement. Donc, il fera partie de la hiérarchie. Donc, selon les activités du rayon sur les différentes octaves du plan mental, il pourra être en harmonie vibratoire, hiérarchisé, avec des êtres qui font une lignée avec lui. Et à ce moment-là, l'homme connaîtra qu'est-ce que c'est son grand frère. Son grand frère étant celui qui est au sommet de cette hiérarchie vibratoire qui se connecte sur le plan terrestre avec lui au niveau du plan mental. Alors, l'homme connaîtra sa multidimensionnalité. Et la multidimensionnalité sera ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob dans le sens que je l'explique, et non l'échelle de Jacob dans le sens qu'elle est, elle est imposée à l'humanité par le zionisme ou par la Kabbale juive. L'échelle de Jacob étant le lien vibratoire, hiérarchique, cosmique de tout être planétaire qui a réussi éventuellement à perdre contact avec sa vieille personnalité pour découvrir sa vraie personnalité, pour découvrir le lien entre lui et la hiérarchie à travers les multiples facettes des intelligences qui composent le rayon entre son ajusteur de pensée et lui planétairement. Autrement dit, il n'y a aucun être dans le cosmos, aucun être sur une planète qui soit unidimensionnel. Et des fois, dans vos rêves, vous rêvez à des êtres étranges. Ces êtres étranges-là font partie de vous. Ils sont vous. Ils font partie d'une autre dimensionnalité du mental auquel vous n'avez pas accès et qui se manifeste à travers vos rêves sur le plan astral pour souvent vous guider ou vous donner une sorte d'illumination, une sorte de compréhension de la nature ésotérique et occulte de votre réalité, éventuellement reconnue par votre expérience. Alors, la multidimensionnalité de l'homme, la multidimensionnalité de l'homme, lorsque l'homme réalise sa multidimensionnalité, il faut qu'il soit préparé, parce que c'est effarant pour un être humain de se réaliser multidimensionnellement. Parce que lorsque l'homme se réalise multidimensionnellement, il s'aperçoit qu'il est extrêmement intelligent. Et l'homme qui, dans sa vieille personnalité, qui se réaliserait comme extrêmement intelligent, serait bouleversé par le poids de l'intelligence et automatiquement souffrirait. L'intelligence, comme je vous ai déjà dit, c'est pas ce que vous pensez. L'intelligence est une énergie et automatiquement l'être qui vit l'intelligence sur le plan matériel, tant qu'il n'est pas suffisamment avancé dans la conscience, tant qu'il n'a pas réalisé des aspects de sa multidimensionnalité, peut en venir éventuellement à souffrir de cette intelligence-là, parce que de l'intelligence, c'est de l'énergie. Autrement dit, de l'intelligence, c'est la segmentation constante du rayon avec différents plans d'énergie qui font partie de la hiérarchie de l'âme. Donc, un homme qui est intelligent dans le sens que je l'instruis à l'homme aujourd'hui, s'aperçoit que l'intelligence, lorsqu'elle est véhiculée sur un plan inférieur tel que le plan de la matière, elle est véhiculée dans un temps où l'homme, à ce moment-là, est capable, au niveau de son mental et de son émotionnel, de l'absorber. C'est pour ça que la fusion viendra à l'homme avec le temps, dans son temps. L'homme ne peut pas vivre la fusion avant le temps parce qu'il serait écrasé par l'intelligence. Autrement dit, il serait écrasé par le fait que le rayon, étant segmenté à plusieurs niveaux, crée en lui, sur le plan matériel, dans l'émotion et dans l'intellect, des aspects de psychologie, de comportement ou d'action qui ne conviennent aucunement à la psychologie de la vieille personnalité. Donc, automatiquement, l'homme serait incapable de vivre, serait incapable de supporter le poids de sa réalité. Et étant incapable de supporter le poids de sa réalité, il serait détruit. Donc, ces intelligences-là savent ça. Donc, l'évolution, la scientisation de l'énergie chez l'homme, la scientisation de l'intelligence doit se faire petit à petit. C'est pour ça que éventuellement, la vieille personnalité tombe, la réelle personnalité se fait, et l'homme devient très simple dans quel sens? Très simple dans le sens qui n'est pas là, puis qui est là. Il n'y a pas de réflexion. C'est le plan mental qui vibre à l'énergie qui connecte avec. Et c'est ça, la personnalité de l'homme sur le plan matériel. Sur les autres plans, c'est toujours l'énergie qui vibre, mais l'homme est différent. Parce qu'aussitôt que la vibration de l'énergie change sur un plan, l'être-té change. Autrement dit, un être sur le plan matériel est une chose, sur un autre plan est une chose, sur un autre plan est une chose, et sur un autre plan est une chose. Mais éventuellement, quand c'est rendu que cette énergie-là, elle est descendue dans la matière, sur un globe, sur une planète, dans un endroit de la galaxie, c'est l'évolution, c'est la fusion. Alors, les êtres demain qui connaîtront la fusion connaîtront leur multidimensionnalité et seront parfaitement intelligents de leur intelligence et conscients de leur intelligence et parfaitement sans mémoire. Et étant sans mémoire, c'est à partir de ce moment-là qu'ils pourront commencer à donner à l'humanité de l'instruction et à apprendre à l'homme comment se vit la vie, comment se détruit l'ancienne vie, comment se crée la nouvelle vie et comment se transmute l'humanité. Et ce sont ces êtres-là qui poursuivront l'activité que je commence aujourd'hui et qui permettront à l'humanité, au cours de l'évolution de la sixième race, d'ouvrir de nouvelles écoles dans différents domaines, ainsi de suite, et de commencer à instruire l'humanité dans les rapports entre l'homme et les extraterrestres.